Ah, c'est de temps, ça va dire, ah, c'est de temps, mais... Le temps, mais... Le temps, mais... Le temps, mais...